Bonsoir. Ça fait nous un grand plaisir aujourd'hui. Vous êtes devant nous et nous devant vous. Vous êtes là pour nous et nous aussi nous là pour vous. On a trouvé qui l'amitié des grands et des faux. Et nous sommes en santé pour tous les camarades qui là. Santé à mes camarades. Ça pour faire plaisir, mettre la haine de côté, l'amitié, ça vaut plus que la monnaie. Abé ouvert nous les yeux, qu'est un baiser qui peut passer dans nous la vie. Et n'a trop beaucoup de division, plus à coopérer. Mon chien nous pas vent du vent. Ouais. Camarade, camarade, camarade, camarade, ensemble, nous m'en slamer dans la mer. Camarade, camarade. Camarade, camarade, dégoûté, l'on manque d'un rien qu'on s'y met. Dans nous la vie tous les jours, nous bizarres et n'a courage, vivre pour ma frère. Nous grandis l'eau même la terre, arrête la guerre, nous bizarres pardonner. Comme on m'asile tout ça là, nous bizarres et n'a courage, la vie écoute ça. Nous bizarres vivre dans la paix, tout bon camarade, sinon nous coupons en place. Ouais. Camarade, camarade, camarade, camarade, ensemble, nous m'en slamer dans la main. Camarade, camarade, camarade, camarade, du goûté, l'on m'en donne un consumé. La joie pour de nous les guérir, quand nous nous joignons camarades, ça pour faire plaisir. Mettre la haine de côté, l'amitié ça, au plus ce qu'il a mené. Abé ouvert nous les yeux, et t'as le qui peut passer dans nous la vie. Et n'a trop beaucoup de division, bizarre coopérer. Mon chien nous pas vent du vent. Ouais. Camarade, camarade, camarade, camarade, ensemble. Nous m'en slamer dans la main. Camarade, camarade, camarade, camarade, dégoûté, nous m'en dans rien bon s'y met. Dans nous la vie tous les jours, nous bizarres et courage, vive pour ma frère. Nous grandis l'eau même la terre, arrête la guerre, nous bizarres pardonner. Comme on m'asile tout ça là, nous bizarres et courage, la vie écoute ça. Vive dans la paix, tout bon camarade. Sinon, nous poupillons en place. Ouais. Camarade, camarade, camarade, camarade, ensemble, nous m'en slamer dans la main. Camarade, camarade, camarade, camarade, dégoûté, nous m'en dans rien bon s'y met. Camarade, camarade, camarade, camarade, ensemble, nous m'en slamer dans la main. Camarade, camarade, camarade, camarade, dégoûté, l'on m'en donne rien de bon s'y met. Camarade, camarade, camarade, camarade, ensemble, nous m'en slamer dans la main.